Chapitre 3. Chargée de faire paître les brebis, elle passe toute sa vie dans cet humble emploi, supportant avec une patience héroïque d'incroyables fatigues et adversités. La bienheureuse Germaine sortait à peine de la première enfance quand elle fut chargée de faire paître les troupeaux. Et ce fut dans cet humble métier de bergère qu'elle passa tout le reste de sa vie. Ce que furent en intensité et en nombre les souffrances, les privations, les misères qu'elle endura, c'est chose plus facile à imaginer qu'à décrire. Elle était exposée continuellement dans une campagne découverte à la chaleur brûlante de l'été et au froid rigoureux de l'hiver, au vent, à la pluie et à toutes les intempéries de la saison, ce qui est inséparable d'une vie où l'on erre constamment çà et là sur les sommets des montagnes ou au fond des vallées. Que si de telles incommodités sont au-dessus des complexions les meilleures et les plus robustes, que faudra-t-il dire d'une pauvre enfant, d'âge encore tendre, frêle de corps, privée de ses forces et consumée d'un mal chronique, n'ayant pour tout vêtement qu'une robe usée et déchirée, et pour tout abri que celui qui lui était offert par les arbres et les grottes des rochers. Ajoutez à cela que sa nourriture de chaque jour consistait uniquement en un morceau de pain noir qui lui était donné le matin, avec beaucoup de parcimonie et de rebuffade par sa belle-mère. Ce qui porte à croire que même, pour ne pas mourir de faim, elle a dû souvent être réduite à se nourrir de racines amères et de fruits sauvages qu'elle pouvait par hasard trouver dans les bois. Si du moins elle avait rencontré quelque consolation et relâche dans ses peines lorsque le soir elle rentrait au logis avec son troupeau, mais c'est alors précisément que s'accroissaient sans mesure pour elle les souffrances et les amertumes. En effet, à peine avait-elle atteint la maison, toute défaite et fatiguée par le travail du jour, que sa belle-mère, toujours sans pitié, l'accueillait par toutes sortes d'injures et d'outrages. Malheur à elle si elle mettait le moins du monde les pieds dans l'intérieur de la maison pour se réunir à la famille. Alors on ne lui épargnait pas les plus amers reproches, et quelquefois même les coups et les mauvais traitements. Comme si elle eut la peste, elle devait rester à distance de ses petits frères et de ses petites sœurs, sans jamais les entretenir ou communiquer avec eux, de quelque façon que ce fût. Elle devait se contenter de quelques morceaux de pain qui lui étaient donnés, et ne jamais se plaindre quand on les lui refusait. Après quoi elle devait demeurer seule, sans compagnie, sur le plain-pied des derrières de la maison. Elle rentrait ensuite dans l'étable avec ses brebis pour y prendre un sommeil pénible, sous une rampe d'escalier de bois, en se jetant toute vêtue, comme elle était, sur un fagot de sarments qui seul la préservait de l'humidité du sol. Or, il est difficile de dire combien une telle vie, toute d'épreuve et de misère qui ne dura pas seulement quelques mois, mais plus de 12 années entières, perfectionna la vertu de Germaine. Parfaitement résignée à la divine volonté, elle souffrait tout avec une patience invincible, et, bien loin de se plaindre de l'état où Dieu l'avait placée, elle se réjouissait, au contraire, d'y trouver l'occasion d'imiter plus parfaitement les exemples de Jésus-Christ et de lui prouver son amour en supportant avec courage et constance toute espèce d'adversité. Ainsi, l'on n'entendit jamais d'elle un mot qui sentît le moins du monde la plainte et le reproche, jamais une parole de récrimination contre ses parents, et spécialement contre sa dénaturée et impitoyable belle-mère. Elle se montrait, au contraire, toujours sereine dans l'expression du visage, affable dans ses relations, très prévenante dans ses manières, et, envers sa belle-mère elle-même, elle se rendit d'autant plus affectueuse et empressée que celle-ci lui faisait sentir davantage son empathie et son aversion. Elle était toujours prête au moindre signe, très attentive et obéissante au moindre commandement, quoiqu'elle sût bien que son obéissance et sa soumission n'aurait pas pour effet de lui concilier le cœur de cette femme, mais de la rendre de plus en plus malveillante. Indignement battue, elle n'en conservait aucun ressentiment. Elle ne se défendait pas des coups. Elle ne jetait pas un cri. Recevant avec une inaltérable douceur tous les outrages, comme si elle les eût mérités, elle les portait en déduction de ce qu'elle croyait devoir pour ses péchés, quoiqu'elle fût innocente et que, autant qu'on peut le savoir, elle n'eût jamais souillé son âme d'une seule faute. Elle aimait sa pauvreté, elle aimait ses souffrances et ses infirmités, parce qu'elle détachait son cœur de l'amour des choses d'ici-bas, et le portait à s'attacher aux biens éternels, après lesquels elle aspirait avec ardeur. Une si grande vertu ne pouvait manquer de frapper les regards des habitants du pays. Mais ces gens-là, peu habitués à discerner en quoi consiste le solide de la perfection, et à juger sainement du mérite de la vraie sainteté, au lieu d'admirer et d'apprécier à leur juste valeur les exemples héroïques de Germaine, en faisaient le sujet de leur moquerie et de leur dérision. Cette humeur toujours égale, cette paix, ce calme inaltérable et cette fermeté invariable et constante, à souffrir gaiement, quoi que ce fût de fâcheux, leur paraissait procéder d'une nature morte et insensible, d'une grossièreté d'éducation, ou bien encore d'un raffinement de dissimulation et d'hypocrisie, qui voulait se faire une réputation et un renom de sainteté. Telle est la malignité du monde, tel est le sort des justes. Il ne se passait pas de jour que les gens du village et les bergers qui menaient paître leurs troupeaux auprès de ceux de Germaine ne la prissent pour sujet de leurs plaisanteries et de leurs amusements moqueurs. Ils se la montraient au doigt et la poursuivaient en l'appelant cagotte, bigote, cafarde, tout autant de sobriquets injurieux qui lui sont restés pendant l'espace de plusieurs années, comme s'ils eussent été ses noms propres. Ils pouvaient se porter tout à leur aise à de telles intimités et à bien d'autres encore, parce que la bienheureuse enfant, mettant continuellement en pratique la patience et la mortification, ne leur répondait jamais un mot. Cette conduite qui augmentait la maligne insolence de ces gens grossiers faisait ressortir la vertu héroïque de Germaine, qui s'estimait très heureuse d'acheter le bonheur de plaire à Dieu au prix des souffrances et des humiliations.